manque de poteaux quand je suis seul, je parle à Dieu. Je revois mon père dans le bloc opératoire. Le frigo vide, maman pleurait des larmes. J'ai vendu de la coke, de l'héroïne tous les soirs. Je voulais que je fasse quoi? Chercher du taf. Gros, j'ai essayé, personne ne m'a pris. Je leur ai dit que j'avais rien seul dans la rue. Que dans l'empoche, mais personne ne m'a cru. Je reviens de loin. Je suis parti voler comme un lion qui part chasseur. Applaudissez-moi. J'ai rempli le frigo, maman, je sais que c'est pas facile. J'ai dit applaudissez-moi. Pour manger, j'ai vendu du crack et de la sel. Applaudissez-moi. Je voulais mettre des tocs, moi aussi je voulais briller. Plus j'ai acheté un gun, un 765. Oui, c'est activé pour tuer, ça suffit. Plus j'ai volé un thème dans le coin de septembre. Le premier qui bouge, c'est sûr, on le fait sucer. Armes de l'Est, Algérien de l'Est. On s'est armé pas pour viser la lune. C'est parti en couille, j'ai trouvé personne. À part couteau, RG, l'ours et la lourde. Quand j'étais dans le tel, tu m'as vu par terre. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as jeté ta hlène pour une meuf d'hôtel. Qu'on a, qu'est-ce que t'as fait? Et aux arrivants, te demande direct. Pour toi, qu'est-ce que t'as fait? Après 2-3 tardats, tu balances tout ce que t'as fait. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Demandez à Dieu de me séparer des putes. Bizarrement depuis mes amis je les vois plus. Je suis monté seul récupérer la pure. Sans savoir que la gorge m'attendait au port. Je garde le silence, aucune preuve à l'appui. Je connais la juge et sa grand-mère la pute. Maître Cohen à la barre elle m'appuie. Je fais des rageux le beau temps et la pluie. Tu leur mourir. J'ai sonné, sonné, cherché la force de secours. Applaudissez-moi. J'ai donné et mes frérots, mais les vestes tournent. J'ai dit applaudissez-moi. Pour mettre en noir sourire ta ville dans la cour. Putain applaudissez-moi. Le petit que t'as Hattar il reviendra un jour. J'ai promis à papa de mettre mère à l'abri. Puis j'ai compris que la PMP faut leur niquer leur mère qui revient, on se parle plus. Ils comprennent que les coups de feu, les armes et les cris. Je t'en prie, touche à la mine, salope, je t'encule. J'suis tranquille, j'suis dans le truc. J'suis ton père, moi, fils de pute. Quand j'étais dans le tel, tu m'as vu par terre. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as jeté ta hlène pour une meute d'hôtel. Qu'on a, qu'est-ce que t'as fait? Et aux arrivants, te demande direct. Pour toi, qu'est-ce que t'as fait? Après 2-3 tardats, tu balances tout ce que t'as fait. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pour moi?